les Navajos de Blackfire pour American Indian Movement de leur album de 2007, Silence is a Weapon, qui est une bonne transition pour la séquence qui va suivre. Fun. Alors parce que si vous avez écouté l'émission de la dernière fois, donc en direct, parce que malheureusement on ne peut pas encore la mettre disponible en fait sur le site de La Parole est en demain, nous avions diffusé un entretien avec Rocío Martínez, qui est anthropologue et historienne de l'art. Et Rocío nous expliquait en fait comment elle avait rencontré le mouvement zapatiste. Parce que en septembre dernier, les 180 personnes issues des communautés zapatistes du Chiapas et du Congrès national indigène ont commencé en fait une tournée en Europe qu'ils ont appelée le Voyage pour la vie. L'idée étant de rencontrer des collectifs en bas à gauche, comme ils disent, pour pouvoir se rencontrer autour des luttes et se donner, on va dire, de la force et aussi de l'énergie dans ce contexte de pandémie et rappeler que quand on vit, on lutte. Et au studio de La Parole Errante, ici, nous avons en fait saisi cette occasion du Voyage pour la vie pour essayer en fait de faire un travail autour d'une histoire subjective en fait du mouvement zapatiste, et nous avons entrepris de faire un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui avaient lors de leur parcours croisé en fait la route de ce mouvement là et donc Benoît va nous présenter la personne qu'on a rencontrée, Joanie Okengem. Tout à fait. Et alors, on l'a rencontrée justement au moment de ce Voyage pour la vie. Les zapatistes sont venus donc à Paris, en région parisienne. Et Joanie, appelons-le comme ça, il aime beaucoup son prénom, Joanie était un des traducteurs. Il y a eu beaucoup de traducteurs, puisque évidemment il fallait faire la traduction en direct. Il y a eu beaucoup de traducteurs et traductrices. Joanie en faisait partie. Il est venu quand les zapatistes sont venus, je crois, ils sont venus plusieurs fois à La Parole Errante, mais en octobre, il y a eu une grande après-midi et il a assuré une partie de la traduction. Et Joanie Okengem est aussi une personne qui a été un compagnon de route un peu des zapatistes depuis longtemps, parce qu'il habite au Mexique depuis 1975 et il a rencontré les zapatistes, justement c'est un peu l'objet de ce que vous allez entendre, donc vous allez tout comprendre, mais il a rencontré quand même le mouvement zapatiste d'abord en rencontrant alors qu'il était mai 68 tard à Paris, un petit peu ensuite dans les années 70, la redescente un peu du militantisme. Et là, il y a un de ses amis qui lui refile un bouquin d'Antonin Artaud sur les Tarahumaras. Et toc, tous les deux, ils s'en vont en pays Tarahumaras au Mexique. Et là, c'est gros choc pour Joanie, puisqu'il découvre le monde indien, le monde indigène. Et puisqu'il était là, puisque en plus on a pu suivre un petit peu l'ensemble de ces rencontres avec les zapatistes via des articles qu'il a écrit pour la revue Chimère. Alors, c'est disponible en ligne sur le site par exemple Cairn qui offre comme ça l'accès à des articles de revue. Vous tapez Joanie Okengem Cairn et vous avez tous ces articles sur les zapatistes qui sont excellents. Il était à La Parole Errante, on lui a dit « Est-ce que tu veux venir nous raconter un peu ton compagnonnage avec les zapatistes pour un long entretien ?» De cela, de cet entretien et avec la participation amicale est tout à fait chouette de Dominique Collignon, qui est venu justement lire des textes de Joanie, Pierre et moi, nous avons réalisé ce montage que nous vous proposons en exclusivité mondiale. Il a été terminé ce matin à 11h45. Donc en exclusivité mondiale pour l'Écouter l'écho numéro 2. 59 minutes ou 57 minutes et 35 secondes. Mais c'est dimanche soir. Si vous avez le temps, vous allez voir, ça coule dans l'oreille tout doucement. Oh, Quand le 1er janvier 1994, des bonshommes masqués, qu'on a vus par la suite sur quelques photos, parce que les communications étaient coupées, avaient pris 5 villes ou plus de l'État qui s'appelle le Chiapas, que les reporters d'ailleurs orthographiaient assez mal, avec des erreurs d'orthographe, c'est-à-dire si c'était loin de la capitale. Et ben, quand il y a eu ça, ça a été vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on avait peine à le croire. Il y a immédiatement des gens qui ont dit que c'était une manipulation, que c'était un coup du prix pour se maintenir au pouvoir, provoquer la panique, des Indiens manipulés, des bandits, des transgresseurs, des trafiquants de drogue. Enfin bref, ils avaient vraiment été traités extrêmement mal au début, en tout cas verbalement. Ils ont commencé des combats et brusquement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens pour entreprendre une lutte à cette époque qui n'était vraiment pas une époque extrêmement bonne. Pour moi, français, c'était l'époque des massacres de Srebrenica, du Rwanda, des tueries du fils en Algérie, enfin de toutes sortes de nouvelles qui donnaient à penser vraiment qu'il fallait se résigner à un monde pour essayer de ne pas être massacré à son tour. Donc le fait que des gens prennent l'initiative, que ces gens soient des Indiens, des paysans indiens et une certaine partie de métis, brusquement ça a interloqué, quoi. Et puis brusquement on s'est rendu compte que c'était évident, que ces gens avaient toujours été extrêmement maltraités, qu'ils étaient complètement en marge de la société, livrés aux caciques du parti qui était au pouvoir depuis la fin des années 20, et qu'on avait remarqué tout ça, et qu'on le savait, et que dans les réflexions des Indiens, dans les réflexions des gens en ville, on entendait tout ça, que c'était intenable et que ça allait péter. Donc il y a eu en même temps une surprise, et puis en même temps la reconnaissance en disant « Bon sang, mais c'est bien sûr. » C'était surtout l'apparition des déclarations et des communiqués. D'abord, il y avait la première déclaration de la Selval Lacandona, qui était une grande déclaration de guerre à l'État, au gouvernement, à l'armée, au pays entier, et des ambitions extrêmement vastes et nationales. Et puis, au bout de quelques jours, il y a eu une interview de celui qui plus tard s'est avéré être Marcos et que le journaliste appelait commandant alors qu'il a revendiqué par la suite le grade de sous-commandant, où il lui demandait « Vous êtes partisan de la théologie de la libération ?» L'autre y répond « La libération, oui, mais la théologie, non. » Dans nos rangs, il y a des adventistes, des athées, des catholiques, des protestants, et il y a même des sorciers. Donc, il disait ça à propos des gens qui ont une certaine autre culture et qui sortent de toutes ces religions et qui peut en être aussi une synthèse, des fois. Donc, c'était des déclarations qui étaient assez frappantes, tu vois, par rapport à ce qu'on imagine être une guerre de libération, d'un front de libération, d'une armée de libération nationale. Et puis il y avait le sigle aussi qui est apparu, c'est-à-dire les communiqués étaient signés Comité clandestin indigène révolutionnaire. Et c'était la première fois qu'il y avait une revendication indigène dans le sigle même d'une guérilla. Il y avait quelque chose d'original et d'inédit qui a appelé l'attention, quoi. Voir la montagne déserte se peupler soudain, frémir de la présence murmurante de 5000 Tzotzil, Tzeltal et Choyes de la Sierra Norte du Chiapas. Devenir une ville, pas pour y habiter, mais pour s'y rencontrer. Une ville tout édifice public, école, terrain de sport, clinique, église, dortoir pour les voyageurs, salle de réunion, amphithéâtre en plein air. Une agora. Un agua caliente. Un des forums construits par les apatistes. Oventic, le lieu des avocatiers. Au milieu de la foule, tout à coup, sentir la secousse du départ. Se laisser entraîner par la ruée vers les camionnettes, 80 bétaillères et leurs chargements humains en route pour San Cristobal. Partager l'allégresse des retrouvailles avec les autres convois venus du sud et de l'est escorter la délégation aux portes de la Sierra. Suivre les ombres rapides dans les rues obscures, se glissant entre les trottoirs altiers de la ville des Coletos. Jusqu'à la flaque de lumière de la grande place, le Zocalo. Entendre la vieille rovelle, la rovelle des romans de Traven, applaudir ses indiens, ses indiennes, s'immerger, ivre de xylophones et de rubans, dans la cadence du bal, la première et probablement la dernière occasion de ma vie de danser avec 20 000 indiens. Tous les jours, meeting. Meeting au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, meeting au goûter parfois. Plus de meeting qu'en mes 30 dernières années. 3 000 kilomètres de chevauchées fantastiques, épuisantes, d'une foule à l'autre. Un meeting sur roue. On le transporte avec nous. Où que ce soit qu'on descende à terre, on est 10 000. Même pour dormir, on est des milliers. Un demi-mois dans un autobus, je ne l'avais jamais fait. Un demi-mois dans un fauteuil, avachi, où s'accumulent bouteilles d'eau vide, restes de sandwich et pelures d'orange. Les poches pleines de papier hygiénique, de cuillères en plastique, de tracts, avec des adresses gribouillées, en t-shirt d'avant-hier rincé à la hâte au lavabo de l'étape. On se met à nettoyer tant bien que mal notre habitat à 100 à l'heure. Les plus actifs accrochent habits et tennis mouillés aux fenêtres où le soleil brille maintenant au zénith. C'est l'heure des haies. Entre deux meetings, haies intermédiaires, dizaines de kilomètres de haies humaines. Les villes se mobilisent à l'horaire prévu. À la campagne, les gens prennent position des deux côtés de la route et manifestent leur enthousiasme sans heure fixe. Hameau de trois maisons, bifurcations, ronds-points, statues, esplanades, parvis d'église, passerelles, réservoirs d'eau ou simple frondaison d'un arbre, tout devient prétexte à rassemblement. Chaque volume se convertit en gradin, podium, amphithéâtre. Chaises roulantes et sièges de toile dépliés à l'ombre en prévision d'une longue attente, salopettes des pompistes de Pemex, uniformes des collégiens, tabliers rouges de la rôtisserie de poulet, maçons sur leurs échafaudages, familles sur leurs maisons, chauffeurs sur leurs locomotives au passage à niveau, vieilles à ombrelles, punks à crête verte et colliers collés aux grilles de la cour de récréation, files d'hommes debout sur le faîte d'une rambarde, telle une fresque de Diego Rivera, et d'un village à l'autre, un trisomique profitant aussi à grandes gesticulations de ce jour spécial. Visage tendu et radieux, yeux grands ouverts, guettant à 2 heures de l'après-midi, la caravane prévue pour 10 heures du matin, avide de voir notre troupeau de 30 greyhounds des années 70 gravir les collines, franchir les rivières et disparaître à l'horizon. Fracas de tôle, nuages de poussière, odeur persistante de diesel. 1 000 regards à l'heure dans la vapeur étouffante du sud, le soleil cuisant de l'altiplano, les brumes glacées du nord. De temps en temps, il n'y a personne et on peut dormir, un peu, bercé par le doux rugissement de notre nef d'aluminium, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague d'acclamations nous tire de la somnolence. Nous, nous sommes les femmes zapatistes. Sur la banderole tendue à l'avant de l'autobus, on lit « Vive la lutte des femmes ». La lutte des femmes zapatistes est internationale. Ce dernier mot peint en jaune se voit à peine sur la toile boueuse. Et voici les femmes zapatistes. Un salut aux femmes zapatistes, annonce au micro un animateur local du haut d'un podium improvisé. L'assistance, rassemblée pour un salut au passage, applaudit notre quart, tend la main, agite le poing, forêt de pouces levés, de V de la victoire, crie enthousiaste. On est avec vous, vive les femmes! En penchant par la fenêtre ma tête de cinquantenaire mal réveillée, avec une barbe de 4 jours pour recevoir toutes ces ovations imméritées, je sais que j'usurpe. Nous ne sommes pas tous indiens, mais nous sommes tous fiers d'être indiens, a dit Marcos, sur un zocalo ou un autre. Nous ne sommes pas tous des femmes zapatistes, mais je me sens fier d'être une femme zapatiste. Dans la marche féroce, la caravane zapatiste, 24 février, 11 mars. Quand ils ont annoncé en 2001 qu'ils allaient faire une marche qui s'appellerait la marche de la couleur de la terre et qui consistait à traverser tout le pays, pas seulement à recevoir des gens chez eux, mais aussi à aller connaître qu'est-ce qui se passait chez les gens, chez ceux qui n'ont pas l'occasion de voyager jusqu'au Chiapas, dans le reste du pays. J'ai trouvé ça très bien. Et alors, je me suis précipité là-bas. J'avais un ami cinéaste qui s'appelle Jacques Kébadian. Je lui ai dit, si tu es d'accord, prends ta caméra et viens filmer ça. Ça doit être très curieux. C'est un double truc. Ça montrera en même temps les zapatistes et les gens qui... Comment ils réagissent, les gens. Ça a été une tournée d'applaudissements constants, de hurlements de joie, de... Donc ça, c'est le moment où je les ai vus. Je les ai vus à la veille du départ, quoi. Mais j'ai quand même vu comment ils fêtaient ce départ, leur manière de parler, de danser, de faire de la musique. Ils font de la musique à toutes les occasions, c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez eux. Toujours des fanfares, toujours des airs entraînants, des airs dansants, des cumbias... Le soir, j'ai vu ça pour la première fois dans leur endroit, dans ce qui s'appelait un Aguascalientes, comme ils ont appelé ces forums qu'ils avaient construits pour recevoir les gens. Et le lendemain, le départ en caravane avec eux et rester en leur compagnie, mais assez loin de la délégation qui a traversé 12 États du Mexique. Et donc ça voulait dire que nous, on était dans un autobus et que 3 fois par jour, on descendait pour regarder le meeting et entendre les propos des zapatistes très loin sur l'estrade. On n'était pas là à se coudoyer. Mais dans la veille et le petit matin, j'ai eu l'occasion de passer une bonne journée parmi eux, quoi. C'était agréable, même si on n'avait pas... On ne s'abordait pas à tout propos, parce qu'il y avait plein d'activités en même temps. Mais ça a été ce qui a déclenché le... Donc j'ai mis 7 ans, je suis un zapatiste de la 7e année, mais j'avais déjà la conviction, mais disons que pour aller les voir, il m'a fallu du temps. Mais j'y suis allé et je ne l'ai pas regretté. Et ensuite, ils nous ont entraînés, là, bam, bam, bam, d'une ville à l'autre, à regarder des gens qui... Chaque fois avec des discours appropriés à la ville, le principal orateur, c'était le sous-commandant Marcos, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient très bien. Moi, du coup, j'ai tout noté, les circonstances et les discours, je les ai enregistrés sur une mauvaise cassette, hélas. Ça m'a permis de faire un petit livre, ça s'appelle aussi « La fragile armada ». Je vous invite à vous y référer. C'est très bien parce que vous pourrez lire... Si vous n'avez pas l'occasion de voir le film, vous pourrez lire les discours et plus. Mais les discours et les circonstances. Qu'est-ce que c'est que l'endroit où ils nous accueillaient ? C'était un endroit qui s'appelle Oventic. C'est un petit hameau pas loin, mais surtout, eux, ils avaient pris un creux de la montagne, une pente sur laquelle ils avaient construit ce grand amphithéâtre qui avait accueilli les diverses assemblées. Et puis, des bâtiments peu nombreux, en bois, certains en briques, en ciment, qui étaient un début de clinique, un début d'hôpital, une première école, et de grandes salles de réunion, et des stands, des maisons d'hôtes pour accueillir les gens. C'est-à-dire, ils avaient construit sur cette pente un espèce de village, mais pas du tout pour y habiter, un village... où il n'y avait presque personne quand la mobilisation ne commençait pas, quoi. Quand on est arrivé, d'ailleurs, il y avait presque personne. Il y avait nous, les gens qui descendaient de la ville pour venir voir ce qui se passait. Et puis brusquement, on a vu plein de camionnettes arriver dans tous les sens. C'était incroyable, sur le flanc de la montagne, comme ça, et ça défilait. La petite route où débouchait le chemin, brusquement, c'était un embouteillage énorme. Retour à Oventic. Cinq ou six cars qui viennent comme nous de la capitale ou d'autres régions du pays sont garés devant le portail de l'Agua Caliente numéro 2, le forum construit par les rebelles. Les collectivos, les bétaillères, qui font office de transport public, ont convoyé le reste. Sur la pente, une masse mouvante de figures noires dévale dans un constant murmure en langues indiennes. Sans perdre une minute, les arrivants se répartissent l'espace, taillent et plantent des piquets, mettent à profit les dernières lueurs du jour pour monter les tentes improvisées dont les cordages s'étirent parmi les touffes d'herbe. En bas, sur le podium illuminé, la fanfare joue sans trêve et le bal remplit l'amphithéâtre en plein air. Plus tard, quand la lune a fait son apparition entre les nuages, la musique s'interrompt. À minuit, heure du sud-est, comme le fait noter un orateur, les représentants des bases d'appui, en costume traditionnel, montent sur scène et proclament solennellement au micro, dans les quatre langues maya, Tzeltal, Tchol, Toholabal, Tzotzil et en espagnol, la mort des Agua Caliente et la naissance des Caracoles, les escargots. 2 ans et demi après la marche de la couleur de la terre, Oventic bourdonne à nouveau. Sur les sentiers, la circulation est constante, dans tous les sens. On est toujours sur le passage de quelqu'un, campeur qui cherche un ouvre-boîte, élément de la sécurité reconnaissable à leur badge, adolescente à Croix-Rouge trimballant des bidons d'eau, peloton de porteurs de pieux, le visage masqué, femme foulard et homme cagoule. Costume rouge sombre, gris rayé de bleu, indigo violet, variation du rose au pourpre, châle blanc brodé de nuages carmin, tchuck, manteau de laine noire, fermé d'une ceinture cramoisie. Ferrari, Craven, Jordache, 1000 légendes des t-shirts. Tatane en plastique, sandales de pneus, bottes de guerriero. Jambes noueuses dépassant des tuniques blanches, mollets potelés découverts par les blue jeans déchirés. Chapeaux à rubans qui balancent au rythme de la marche. Variété des passe-montagnes agrémentées de broderies ou sacs à deux trous, style Elephant Man. Tatouages et cheveux rouges, tribu de punk au nez percé. Casquettes des Yankees et des Dodgers, troupes de filles du même village portant sur leurs châles parallèles des couleurs identiques, marchant du même pas à travers la foule disparate. Ça discute partout. Sous les tentes, les bâches et les auvents, à la lueur des lampes de poche, des tisons, des braises, des cigarettes, autour des ampoules, des buvettes. Le caracol, l'escargot, rampe dans les conversations. Autonome, il se nourrit par les pieds et secrète sa maison. Hermaphrodite, nocturne, patient. Il illumine le chemin, disent les anciens, laissant sa marque de bave brillante où se reflète la lune. C'est aussi le coquillage où s'entend la mer, la conque qui lance l'appel aux cérémonies, et l'escalier en colimaçon et tout ce qui s'enroule et évoque une forme de vis, d'hélice, de serpentin. Ce n'est pas une révolution, c'est une spirale. La spirale est une référence de longue date des zapatistes pour décrire leur action. Expansive, elle balaye large. Elle tourne sans cesse et pourtant pas en rond. Elle échappe au cercle répétitif de la tradition, brise l'encerclement et la routine. Évolutive, jamais fermée, elle n'a ni intérieur ni extérieur. Elle va et vient du dedans au dehors, inspire et expire, rayonne et absorbe, rassemble et dissémine. Le caracol représente le fait d'entrer dans le cœur et de sortir du cœur vers le monde. Les caracoles seront comme des portes pour entrer dans les communautés et pour que les communautés sortent, comme des fenêtres pour nous voir dedans et pour que nous voyions dehors, comme des amplificateurs pour emporter au loin notre parole et pour écouter celle de celui qui est loin. Ainsi les présente un communiqué de l'EZLN. Chiapas, les escargots passent à l'acte. Chimère, 52, hiver 2003. C'était essayer de voir si ce qu'ils faisaient, c'était pas du bluff, quoi. C'est-à-dire essayer de regarder jusqu'à quel point ils réalisaient réellement ce dont ils se disaient capables et ce qu'ils mettaient en œuvre. Et vraiment, j'ai vu. Alors, pour prendre cet exemple, je suis retourné à Oventic, à cet endroit, l'Aguas Calientes. Et à chaque fois, je l'ai trouvé grandi. Et à chaque fois, l'école, comment elle est devenue, de primaire, école secondaire, puis école, ce qui équivaudrait préparatoria, ce qui équivaudrait au lycée, ici. J'ai vu ces choses-là, j'ai vu ce qu'ils avaient construit. J'ai eu l'occasion aussi de visiter d'autres endroits. En 2003, j'ai eu l'occasion de visiter d'autres endroits et j'ai vu que c'était pas le seul endroit au Ventic. C'était l'année où ils ont décidé de convertir ces endroits en caracoles. Comme l'État refusait d'appliquer ce qu'ils avaient obtenu par la négociation, c'est-à-dire la reconnaissance des droits et des cultures des Indiens, qui était en principe le premier accord signé avec le gouvernement. À ce moment-là, en 2003, ils ont dit, écoutez, vous ne l'appliquez pas, mais nous, nous allons l'appliquer. Donc, nous allons construire dans cette autonomie que nous affirmons et qui est d'ailleurs inscrite dans les chartes de l'ONU, nous allons instituer cette autonomie et nos lieux de coordination s'appelleront les caracoles, les escargots. Et là, à cette occasion-là, des amis journalistes m'ont proposé d'aller faire un tour de ce côté-là. Et j'ai vu comme ça les trois autres caracoles. Dans le troisième, c'est anecdotique, mais c'était un ami à moi, très cher, d'origine kabyle, Irige, qui m'a entraîné parce qu'il avait promis, juré, qu'à ces gens-là, il leur ferait goûter un couscous. Lui, il avait déjà visité cette région, c'était le caracol de Morelia, et il m'avait déjà un peu décrit l'endroit. Lui, il y revenait, et il achète à la ville précédente des poulets en pagaille, des légumes, et on a fait un couscous à l'escargot, au caracol. Comme ça, un bâtiment collectif avec des grandes salles, même si elles sont construites en pur ciment ou l'impression de bâtiment collectif, quoi. C'est vraiment. Et ils nous ont très bien accueillis. Ils nous ont dit, voilà un endroit où faire du feu, voilà des marmites. Et on a commencé à faire notre rata en grande quantité. Mon ami Berber, il essayait de montrer aux enfants qui ont commencé à arriver en avant-garde comment rouler la graine de blé au beurre, etc. Et ils étaient très contents. La seule chose qui les inquiétait, c'est qu'il n'y avait pas des tortillas. Et lui, Irige, il essayait de les convaincre que la semoule, c'était la tortilla. Alors bon, c'était assez compliqué. Mais enfin, malgré ces quiproquos gastronomiques, ça a été l'occasion, en même temps, pour nous, d'en apprendre plus sur les zapatistes et pour les gens qui étaient là, ces zapatistes qui étaient là, de voir un petit film qu'avait amené Irige sur la révolte de cette époque-là des Kabyles. Alors les gens étaient très étonnés. Alors, ils disaient, mais vous dites que vous êtes africain et pourtant vous n'êtes pas noir ou des questions comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que un parti s'appelle Front de Libération Nationale? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça et que vous luttez contre Il a dit, ben, c'est un petit peu comme le Parti révolutionnaire institutionnel. Enfin, il y avait des parallèles intéressants à faire. Voilà, c'était un beau moment. Et puis ensuite, on a été voir le plus lointain de ces caracoles nouvellement inaugurés, qui est celui de La Realidad. Ça ressemblait un petit peu à un fortin de chez Obélix et Astérix, tout en troncs de bois comme ça, verticaux, assez haut, mais quand même, on pourrait presque y arriver, quoi. Et très marrant aussi, oui. Où on a cohabité pendant quelques journées, on a vu la grande turbine qu'avaient installée des Italiens pour aider à produire de l'électricité, ce qui faisait que toutes les maisons alentours, c'était la musique à plein tube tout le temps, et la joie des gens, et le plaisir qu'ils avaient à discuter avec des visiteurs, à annoncer des fêtes, à inviter à danser, etc. Jeudi 9 février. Les organisations sociales se sont regroupées au syndicat des enseignants. Au matin, la session reprend dans le gymnase couvert. Instituteurs contre la centrale officielle, fonctionnaires, employés, travailleurs de la sécurité sociale en lutte contre la privatisation se relaient au micro. Au mur, géographie de sigles, banderoles, affiches, mots d'ordre, peintures et fresques accrochées à la hâte, faucilles et marteaux perdus au milieu des motifs mayas, drapeau rouge, noir, drapeau noir à étoiles rouges de l'Eusédélène. Zapata, bien sûr. Che Guevara. Ricardo Flores Magón, repère axial de la révolution de 1910. L'agitateur libertaire que certains trotskistes d'ici alignent avec leur idole sur leur table de presse et intègrent à leur credo. Et même la sacrée brochette de Marx, Engels, Lénine, Staline que le PCML trimballe dans sa camionnette d'une escale à l'autre, tentant de conserver leur posture martiale au milieu des flots anarchisants. Midi, autre terrain de basket, au gradin rempli de paysans ornés de toiles peintes et inscriptions en langue nahuatl et zapothèque. Celui de l'Organisation indienne des droits de l'homme d'Oaxaca, au village d'Atsompa, où le MULT, le MULT, mouvement des Indiens Triquis, annonce qu'il se joint à la Otra Campaña. Une vieille dame embrasse le sous-commandant, chausse ses lunettes et dénonce le gâchis de dizaines de millions de dollars en propagande des campagnes électorales qui finira à la poubelle. Léonore Mixtec du Conseil indigène populaire Flores Magón, 17 ans, ex-prisonnière politique, lance « Nous luttons pour être libres, pas pour arriver au pouvoir ». Une fille de la radio, la voix des Indiens de Chatinos, dénonce le maire d'un village qui s'enrichit grâce à l'exploitation sauvage des forêts et réprime les femmes du mouvement. 13h30. Repas sur la petite terrasse de l'Université de la Terre, trace du séjour du philosophe Ivan Illich sur ses rivages. Malgré son nom, l'Université de la Terre est une modeste institution où la discussion continue dans une salle comble et roule sur la défense du maïs créole, la production de chocolat bio, l'installation de fours solaires dans les communautés, l'eau, la nourriture, la merde, l'utilisation de WC secs et bien sûr, l'éducation. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? C'est ce que se demandent beaucoup, dit une intervenante. Je pose la question à l'envers, vu les idées que nous leur inculquons. Quels enfants allons-nous laisser à ce monde? Nouvelle traversée de la ville, dans le crépuscule grenat d'Oaxaca, en toute hâte. Une foule plus large attend depuis 16h sur la grande place. Les orateurs se relaient devant 5000 spectateurs, impatients. Rapporteur de la commission Autre Amour, Le jeune Tlahui, robe longue et perruque mauve, bondit sur scène. La réalité, c'est nous. Les autres, c'est nous tous. Les différents, c'est nous tous. Les minorités sont majorité. Nous aussi, nous sommes la dignité rebelle. Parce que l'amour a ses droits. Parce que la patrie est nôtre. Parce que nous sommes coquettes et nous vivons dans la maison de la joie. Lance-t-il sous un roulement d'applaudissements. L'autre voyage 2006, Chimère numéro 60, printemps 2006. Un beau jour, les apatistes ont dit « Bon, maintenant, on a créé nos gouvernements, on est en 2003, puisque le gouvernement, l'État officiel, n'a pas voulu nous entendre. Nous, on applique ce qu'il a signé et que lui ne veut pas appliquer, et on crée nos propres gouvernements. » Puis ensuite, à un certain moment, s'est avancée la date sacro-sainte des élections. Et les élections, c'était en 2006. Ça voulait dire de nouveau les campagnes des trois partis qui se disputent le pouvoir, tout un tas de propagande à la télé, et de remous vagues comme on en connaît dans tous les pays. En 2005, ils ont annoncé, les apatistes, eh bien nous, on va faire une autre campagne, pas l'autre campagne, ça s'appellera. C'est ce qu'ils ont appelé la sixième déclaration de la Selva la Candona, parce qu'ils en avaient fait plusieurs, et ils ont envoyé le délégué zéro. Alors, sous commandant Marcos a changé de casquette et s'est appelé à ce moment-là le délégué zéro. À chaque fois, il a des grades, mais qui sont de plus en plus insultants, je trouve. Et il partait au début sur une moto comme Che Guevara dans les aventures de Che Guevara, et ensuite, en fait, dans une camionnette avec des gens qui l'accompagnaient. Il partait de ville en ville et surtout de village en village auprès des gens qui l'avaient invité lors de la tournée de 2001 et qui correspondaient à des groupes de lutte, des syndicats, des gens de la paroisse de machin qui sont solidaires, les gens d'une collectivité indienne qui gérait une station thermale. des choses comme ça, des gens très divers qui l'invitaient. Et donc j'ai suivi un peu, moi, dans certains États, mais ils ont fait une quantité d'États, parce qu'il n'y a pas eu que le délégué zéro, il y a eu plusieurs autres délégués qui ensuite se sont divisés la tâche, et ils sont allés dans tous les coins où ils entendaient dire que ça luttait, chez des pêcheurs du Nord, chez des paysans de tous les coins du Mexique, dans la banlieue de Mexico, à Mexico même, chez les étudiants. Et à chaque fois, ils faisaient des causeries, mais ce n'était pas un meeting avec un grand discours, c'était juste se présenter et donner la parole aux gens. Et donc, j'ai regardé ça, c'était vraiment arriver dans un petit endroit où il n'y a rien, un petit village désert, etc., où ils ont tendu une bâche, et puis l'église sonne midi, et finalement, il y a une trentaine de personnes qui viennent, et il y a Marcos qui se présente, ou un autre. Les gens commencent à prendre la parole, et tout contents d'avoir... C'est quand même un moment où ils peuvent se défouler, et c'est très rigolo, quoi. J'ai pris plein de notes, mais... Et quant aux apatistes, ils faisaient le travail militant le plus emmerdant qui soit, c'est-à-dire aller d'un endroit mort à un endroit mort, et des fois à des endroits, évidemment, dans la ville de Mexico et autour, ils ont eu des grands flots d'enthousiasme, mais les endroits que j'ai suivis, qui étaient dans l'état de Oaxaca et dans l'état de Puebla, c'était vraiment des coins perdus où il faisait froid, en haut de la montagne, dans une salle de classe pas chauffée. Et puis, lui, il disait, mais parlez tant que vous voulez, on est là pour écouter. Alors, peu à peu, les gens, tac, tac, tac, puis 2h du matin, la même chose. Les peuples des soi-disant États-Unis inaugurent leur tour de parole par une cérémonie. La première oratrice invite l'assistance à se mettre debout pour une bénédiction solaire, puis lit dans sa langue une déclaration des leaders de sa nation, les Ho-Dams d'Arizona et du Sonora. Elle en donne ensuite la version anglaise qui est traduite en espagnol. L'histoire de notre résistance commence quand les prophètes ont annoncé l'arrivée des étrangers et les nombreux changements qui adviendraient à notre peuple et au monde. La défense des Ho-Dams était de plier au surgissement de ces vents à venir pour ne pas rompre. Mes amis, mon peuple est sur le point de rompre. Être Ho-Dam est une grande responsabilité. On peut dire qu'être indien est une grande responsabilité et un grand honneur. Nous sommes ceux qui veillent sur l'univers. Nous maintenons en équilibre l'univers grâce aux enseignements du Créateur par nos chants et cérémonies. La destruction des structures sociales est évidente aujourd'hui. Les gens dépendent du système pour exister. Notre langue, qui était interdite dans les écoles, survit, mais à grand-peine. La frontière internationale limite notre accès à notre territoire. La présence militaire US bloque le passage par nos routes ancestrales. Au Mexique, les exploitations agricoles, les corporations et les mines mangent les terres de nos communautés. Il y avait 45 villages en 1845 dans les territoires du Sud. Aujourd'hui, il en reste 9. Mon père, Thomas Rivas, est menacé par des envahisseurs qui prétendent avoir des droits sur nos terres. L'an dernier, le 3 octobre, la fête annuelle de notre communauté a été interrompue quand les lignes électriques ont été coupées. Mon frère Julien Rivas a été blessé par balle et la collectivité a dû évacuer pour sa sécurité. Le centre cérémoniel de Kitovac est menacé par l'installation d'un dépôt de déchets chimiques à juste 8 miles de distance. Notre survie est à un moment critique. Ils ont appelé à une rencontre, eux et le CNI, le Congrès national indigène, qui s'est formé après leur apparition, qui réunit des Indiens de tous les coins du Mexique. Ils ont appelé à une réunion avec les Indiens du continent. Là, pour le faire, alors je me suis branché sur un petit village de campagne pas loin de Mexico, où ils étaient en train de louer un car, petit village qui lui-même avait sa lutte pour les sources d'eau qui sont très abondantes et en grande partie captées par la ville de Mexico, donc ils essayent de défendre leur droit à l'eau, et qui est un village de ce qu'on appelait les Otomis, et qui eux-mêmes s'appellent les Nyanyu. Et les Nyanyu avaient affrété un car et s'apprêtaient, enfin certains d'entre eux, à aller jusqu'à l'endroit où devaient se retrouver tous ces représentants de peuples indigènes du continent, qui s'appelle Vicam, un petit village du Sonora, un village yaqui. Alors je mets beaucoup de noms indiens, mais enfin... Et là, des noms indiens, on y a eu droit, parce que c'était 4 jours sur un terrain de foot, où on avait tendu une grande, grande bâche qui permettait d'accueillir les 2000, 3000 personnes qu'on était. C'était une série de prises de parole, à commencer par ceux qui venaient de ce qu'on appelle le Canada, comme ils disent, en continuant par les États-Unis, en continuant par le Mexique et aussi l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc ça a été très intéressant parce que brusquement, dans ces 4 jours, c'était 4 jours qui ne consistaient pas en une discussion générale, qui consistaient en une auto-présentation de chacun des délégués, quel est son peuple, etc. Et ça, c'était très intéressant. C'est là qu'on a vu vraiment les deux versants de la population indienne du continent, c'est-à-dire le côté Amérique, États-Unis, Canada, qui ont connu dans les derniers 5 siècles, 4 siècles, une forme de colonisation très différente, de celle de l'Amérique latine. L'Amérique latine est celle du métissage, souvent forcé par viol, mais qui néanmoins s'est propagée, les enfants de métis eux-mêmes, etc., avec l'apport aussi des populations noires amenées en esclavage. Et l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, il nous l'a raconté comme l'histoire d'un isolement, d'un encapsulement de plus en plus serré, au fur et à mesure de défaites, de victoires aussi, mais comme il le disait, la victoire, ça a été surtout la victoire de l'alcool, parce qu'on les saoulait et on leur volait les terres. Donc on voyait les deux versants et les deux lois aussi, parce que la loi de l'isolement dans les pays anglo-saxons, le fait qu'on arrache les enfants à leur culture, en même temps on enferme les parents en les emmenant d'un bout à l'autre du pays éventuellement, ensuite on leur arrache leurs enfants, on leur fait un lavage de cerveau, on leur interdit de parler leur langue, de croire à tout ce qu'ils croyaient jusqu'à présent, etc., causant un désespoir terrible, des suicides, des fuites, etc., chez tous les enfants qui naissaient dans les peuples indiens. Et jusqu'à, ça a duré jusqu'à 83, je crois, 1983. Hein. Donc cette culture d'épuration, de négation complète, et l'autre culture tout à fait méprisante pour les Indiens, mais qui est confrontée à un côté social, pseudo-intégration, mais en réalité, évidemment, on s'intègre à l'échelon le plus bas de la société, quoi. Donc s'il y avait tout ça, il y avait brusquement c'était des vagues d'un côté et de l'autre, représentées par ces discours. Il y avait des poésies, des croyances, des surprises, l'histoire de Borinquen, l'ancien nom de Puerto Rico, comment sont arrivés les Espagnols et comment on s'est mis dans les montagnes et on a envoyé les femmes en bas sur les plages. Et nous, on s'est armés pour le cas où elles n'arriveraient pas à les arrêter. Et effectivement, les femmes tuent les premiers Espagnols qui descendent et ils rebroussent chemin. Enfin, est-ce que ça correspond à l'histoire exacte? Je n'en sais rien, mais très probablement un épisode, en tout cas, qui s'est raconté de génération en génération. Et d'autres, des considérations historiques, philosophiques, politiques aussi, mais extrêmement axées sur... les échanges, pourquoi les plumes d'Ara, on les trouvait déjà chez les peuples d'Amérique du Nord, alors que c'est un oiseau qu'on ne voit jamais là-bas à cause des échanges, etc. Nous nous sommes connus autrefois, disaient certains Indiens de ce qu'on appelle les États-Unis, à leurs collègues, si j'ose dire, Indiens des peuples aztèques, Maya et tout ça. Donc c'était un moment très intéressant, très intense. Ça m'a éclairé sur les siècles qu'ils ont passés et la manière très vivante dont ils le racontaient, quoi. Mince, souple, musclé, visage tanné en lame de couteau, longs cheveux cuivrés, le chanteur et guitariste du groupe Black Fire s'approche du micro. Leur dernier disque, Silence is a Weapon, sorti au début 2007, mêle guitare électrique et chant sacré. La colère ancienne et nouvelle, celle des guerriers navajos et celle du punk rock. Je m'appelle Cli Ben Ali, de Black Mesa, Arizona. Je viens du peuple Diné, plus connu comme Navajo. Ma nation est la plus grande tribu des États-Unis, avec 300 000 personnes. Notre peuple a émergé de la terre. Avant, nous avions traversé trois mondes différents. Et dans chacun, nous avons été confrontés à plusieurs défis. Nous avons émergé au sud de ce qui est aujourd'hui appelé États-Unis, près du Grand Canyon que nous appelons Denetaha. Nos premiers contacts avec les Espagnols ont eu lieu vers 1550. Nous avons été en guerre 300 ans avec eux, et ils n'ont pu nous conquérir. En 1845, le gouvernement US est arrivé à notre territoire et nous l'avons combattu. Mais ils avaient mis au point leur tactique dans le combat contre les tribus de la côte Est. Les troupes brûlèrent nos maisons, nos récoltes, tuèrent nos gens, tous ceux qu'ils rencontraient. En 1864, 8000 des nôtres sont encerclés et forcés à une marche de 400 milles jusqu'à un camp de concentration. Ils y sont enfermés 4 ans et sont obligés de signer des traités avant de pouvoir retourner sur leur terre, entre nos 4 montagnes sacrées. Voilà l'histoire d'où nous venons. Nous ne reconnaissons pas l'autorité du gouvernement tribal Navajo, celle du gouvernement tribal Hopi, celle du gouvernement des États-Unis. Nos propres représentants officiels proposent d'accepter une centrale électrique au charbon, alors qu'il y en a déjà 2 qui polluent la région. Nos parents qui habitent près de là ont bloqué le chantier. J'ai aussi un message spirituel pour vous. Nous sommes connectés de bien des façons. Dans nos cérémonies, nous utilisons les plumes de l'oiseau tropical, ara, dont nous avons hérité par nos routes commerciales traditionnelles. Nous nous sommes déjà rencontrés dans le passé, dans notre histoire, sur un plan spirituel, et il est bon que nous le fassions à nouveau aujourd'hui. Je vous ai apporté un petit épi de maïs de ma nation. Si vous plantez un grain d'une seule couleur dans la terre, il en sortira de beaucoup de couleurs différentes. Merci pour les cadeaux que vous nous avez donnés, à moi et aux autres délégations. Comme le maïs, ils germeront et nourriront notre esprit et notre vie. Il faut que nous parlions davantage, mais en bas de l'estrade, car ce n'est pas notre manière de faire. Parole de Vicam, première rencontre des peuples indigènes d'Amérique, octobre 2007, Chimère, 66-67-2008. La société mexicaine n'avait pas oublié les indigènes, n'avait même pas oublié qu'elle était indigène. Mais simplement, c'était le cadet de ses soucis. C'est-à-dire, c'était une chose refoulée, peu intéressante. « Ah, ça, on mangeait des très bonnes tortillas faites par l'indienne qu'on avait fait venir de son village pour les faire dans les maisons bourgeoises. On allait dans des restaurants de tacos super fins et on buvait de l'atolé de chocolaté délicieux et de marques raffinées dans les quartiers touristiques de Mexico. Mais cette tendance à être indigène, elle était surtout refoulée, niée, quoi. C'était vraiment... on sait ça, mais c'est du folklore, c'est pas intéressant, ça n'a aucun avenir, etc. Toute la polarisation... créé par le marxisme, c'est-à-dire le fait de croire que ce sera des contestations et des révolutions successives qui amèneront à un état de bonheur et que le moteur de ces contestations et de ces révolutions, ce sera le prolétariat et ça donnera un nouveau pouvoir qui pourrait être la dictature du prolétariat, par exemple. Tout ce baratin qui a évidemment des parties justes, mais des conclusions... terrifiante, ça avait complètement nié aussi l'existence des Indiens, la possibilité de leur existence. C'est-à-dire aussi bien en France qu'au Mexique, la lutte sociale, c'était une lutte dure contre la bourgeoisie, point final. Et c'était les ouvriers et les paysans, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, vu qu'il y en avait plus, beaucoup plus que des ouvriers, mais qui allaient renverser et faire quelque chose. Mais la catégorie indien n'existait pas du tout. Il y avait des petites... Moi, je me ruais sur des petites notes de Frédéric Engels sur le fait qu'il avait existé un communisme primitif. Alors, bon, indien, ça voulait dire primitif, déjà. C'est-à-dire du temps où nous étions des tribus, quoi. Tout ça, c'était de la préhistoire. Ça ne pouvait pas avoir d'avenir. Et donc, cette composante-là était complètement opacifiée, détruite et niée. Et les Indiens, c'était des représentations tragicomiques dans des romans, dans des bandes dessinées, des feuilletons. La flèche brisée. Oh, ils sont torse nus. Oh là là, etc. Des vrais sauvages. Donc ces images-là donnaient à penser que c'était complètement fini, quoi, que ça n'existait pas. Et c'est ça la découverte. On a tous à faire des découvertes. Moi, c'était celle-là. Rosaline, d'Arizona, a beaucoup à dire. Le souffle court, elle jette ses phrases au galop. Son peuple, elle le définit comme une communauté de destin, moins ethnique qu'historique, Chicana. Je suis petite fille du peuple Kikaku, et je suis petite fille du peuple Tepawan, de l'état de Durango. Je suis la cinquième de sept sœurs et frères, et la naissance de chacun reflète la migration de mes parents. Le premier est né à Durango, le deuxième à Coahuila, le troisième au Texas, le suivant dans l'Utah, votre servante dans l'Oregon, et les deux derniers à Los Angeles. Politiquement, le nom de mon peuple est Chicano. Je fais partie du réseau sud-ouest des USA de femmes indiennes Chicanas. De notre histoire, il y a plusieurs versions. La première version, la plus connue, c'est la naissance du mouvement Chicano dans les années 1970. Un groupe de jeunes, de femmes et d'hommes en révolte, refusant l'assimilation. La seconde version est une histoire contemporaine. Les enfants qui naissent aujourd'hui de l'autre côté de la fausse frontière qui divise les USA et le Mexique, les migrants, ceux qui meurent dans le désert et ceux qui sont arrivés il y a des décennies, y ont eu des enfants. Être Chicana, ce n'est pas seulement être mexicaine née aux États-Unis. C'est une conscience politique qui inclut les principes de la lutte indigène continentale et du monde entier. Notre histoire est celle de la revendication du savoir indien, savoir comment travailler la terre, comment conserver nos aliments. C'est aussi une vision de déplacer, quel que soit notre lieu d'origine. La troisième histoire est générale. Elle commence il y a 5 siècles avec l'arrivée des Européens, et avec eux, des campagnes de génocide et le pillage. Nous, Chicanos, sommes le résultat de ce pillage historique de tous les Indiens du continent. L'histoire en résistance présente dans la panse même de la bête aux USA. The hands of collateral damages. On arrive à la fin de l'émission. Donc, vous avez écouté L'écoute et l'écho, le numéro 1, avec donc un entretien avec le collectif des agglomérés Subtil Béton, une rencontre avec les éditions Nous autour du livre Lettres à Milena et des lectures, et enfin un entretien avec Joanie Okangem. Tout ça est réécoutable, on espère, bientôt sur le site de La Parole Errante demain. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire des propositions, ou en tout cas nous dire ce que vous avez pensé des émissions radio, à l'adresse studio@gmail.com. Et enfin, on remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, qui nous ont permis de faire les entretiens, de diffuser aussi. On remercie Pinode, qui est la plateforme par laquelle on arrive à faire un streaming en direct et qui nous permet de faire ça. Et on donne rendez-vous à la prochaine émission, qui sera le dernier dimanche du mois de mars. Le 27 mars 2022. Et on se retrouvera sûrement autour de la semaine de la folie ordinaire. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne nuit.